Il était environ 1 heure du matin, et Jacques achevait ses dernières dispositions quand il eut la stupeur de voir la porte de sa bibliothèque s'ouvrir brusquement et donner passage à madame de Morescan. « Ah, mon Dieu ! S'écria-t-il. « Vous, est-ce possible ?»« Oui, nous avons tout appris, votre mère et moi, » dit Jeanne haletante. « Et je suis venue, j'ai voulu venir. Me voilà. » « Ma mère aussi » murmura-t-il. « Ah, quel ennui, quel chagrin! Mais, ma pauvre chère amie, que venez-vous faire ici? Vous vous perdez !»« Je sais bien, » dit-elle douloureusement, en se laissant tomber sur une chaise. « Mais j'ai voulu vous voir encore !» Elle sanglotait. « Ma chère dame, ma pauvre enfant » dit-il doucement en lui prenant la main. « Remettez-vous, je vous en prie, et retournez chez vous bien vite, et soyez sûre que ce duel qui vous tourmente ne sera rien. Entre deux hommes qui savent tenir une épée et qui sont à peu près de même force, un duel n'est jamais qu'un assaut sans gravité. « Ah ! » dit-elle, « il vous hait tant !» Les larmes l'étouffèrent. « Ainsi, c'est donc fini, fini à jamais. Oh, quelle injustice, mon Dieu ! Quelle injustice !»« Mon enfant chéri, » reprit-il, « retirez-vous, je vous en prie. Vous ne voudriez pas m'ôter mon calme en ce moment, n'est-ce pas ? Dites aussi à ma mère que je la supplie d'être raisonnable, qu'il n'y a pas l'ombre de danger, pas l'ombre, si elle veut bien me laisser mon sang-froid. « Eh bien, » dit-elle en se levant, « adieu donc, adieu. » Elle s'arrêta devant lui. « Nous nous sommes bien aimés, n'est-ce pas ? » ?»« Oui, mon enfant, oui. » Elle le regarda quelques secondes sans parler, puis l'attirant un peu. « Oui. » répéta-t-elle. Et lui présentant son front, « Baise mon front, » lui dit-elle, « afin que si tu meurs, ce soit du moins pour quelque chose. » Il posa les lèvres sur ses cheveux, puis, la soutenant d'un bras, il la conduisit hors de son appartement jusqu'aux premières marches de l'escalier. « Vite chez vous, » lui dit-il en lui baisant les deux mains à la hâte. Et il la quitta.